sommes-nous sur le point de distinguer le bout du tunnel pour le traitement de l'ADMLA, la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Cette affection de la rétine qui conduit à terme à la perte de la vision centrale, deux publications récentes ouvrent la piste à des traitements prometteurs, l'un via l'utilisation de cellules souches, l'autre via un implant rétinien. Ces résultats qui demandent à être confirmés et amplifiés pourraient conduire à terme à remédier à cette maladie qui touche près d'une personne sur 10 en France et qui est la première cause de malvoyance après 50 ans. DMLA, un problème central, c'est le problème que nous allons aborder dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour rendre compte de ces pistes thérapeutiques, mais également de l'état des connaissances actuelles sur les différentes formes de cette affection et sur leurs causes, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Francine Baer-Cohen. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure et praticienne en ophtalmologie à l'Hôtel Dieu à Paris, responsable de l'équipe INSERM Physiopathologie des maladies oculaires, innovation thérapeutique. Bonjour Michel Pack. Bonjour. Vous êtes ophtalmologiste à l'hôpital des 15-20 et chercheur à l'Institut de la Vision. Vous pouvez nous suivre comme tous les jours, vous le savez désormais, sur les ondes de France Culture et en parallèle et en complément en vous abonnant à notre fil Twitter @laméthodefc pour voir un certain nombre d'études, d'exemples ou de liens que nous allons poster pour compléter ce qui va être dit au cours de cette heure. Alors avant de rentrer dans le détail, peut-être un mot en guise d'introduction. Deux études toutes récentes, hein, la première parue dans Nature Biotechnology le 19 mars dernier, l'autre le 4 avril dans Science Translational Medicine. On reviendra sur leurs résultats précisément tout à l'heure, mais est-ce selon vous le signe que l'on est sur le point d'aboutir à un traitement après des années de recherche? Est-ce qu'on est en train de discerner, comme je le disais à l'instant, le bout du tunnel, Francine Baer-Cohen? De très nombreux travaux sont menés de par le monde et depuis des années et des années, on a promis aux patients qu'il y aurait des traitements. Aujourd'hui, les premiers patients sont traités. Donc effectivement, ce sont les premiers essais. C'est une grande révolution, c'est un grand pas en avant. Mais il faut rester prudent et suivre les études et voir si vraiment ces traitements pourront être appliqués à un large nombre de patients et pourront vraiment redonner de la vision. Évidemment, il faut rester prudent, ce sont des études, donc on en est encore au stade liminaire. Néanmoins, deux études coup sur coup, sur deux formes distinctes de la maladie qui donnent des résultats encourageants sur des panels extrêmement restreints de patients. C'est tout de même l'aboutissement d'un certain nombre de recherches qui ont été faites, et on en reparlera au cours de cette heure, notamment sur les cellules souches qui sont en train de montrer que, eh bien, finalement, ça peut, il y a des résultats qui sont encourageants, on va dire encourageants, Michel Pack, pour ne pas s'enflammer trop vite. Voilà, c'est ça, ne pas s'enflammer trop vite, c'est essentiel. Donc c'est un aboutissement, on va dire, pour les chercheurs, mais c'est peut-être le début pour les médecins, en fait, et encore plus pour les patients, parce qu'il faut bien voir qu'appliquer une telle solution de très haute technologie à l'ensemble des patients porteurs de DMLA posera bien sûr énormément de problèmes socio-économiques, je n'en reviendrai pas dessus, mais également le problème de l'évaluation du bénéfice réel du traitement, et encore plus du long terme, parce que dans le cas dont vous parlez. Alors, c'est la thérapie cellulaire. Il y a beaucoup d'autres protocoles utilisant d'autres médicaments, enfin d'autres possibilités thérapeutiques que les cellules. Et dans le cas des cellules, il y a des choses. On en manque évidemment beaucoup de recul. Il y a eu beaucoup de. Ce dont je parlais avec Francine tout à l'heure avant de rentrer dans l'émission, c'est qu'il y a thérapie cellulaire et thérapie cellulaire. Il y a celles qui sont faites dans le cadre de grandes études suivant des travaux fondamentaux faits pendant des années. Et il y a actuellement, malheureusement, un marché également de. On peut appeler ça du charlatanisme de la cellule souche. Donc ce type de résultat est certes très intéressant, mais il faut évidemment garder d'appeler thérapie cellulaire tout ce qui consiste à injecter des cellules dans l'œil. Ce que vous dites, et ce qu'il faut peut-être dire tout de suite avant d'aller plus loin dans cette émission, c'est qu'évidemment ce ne sont pas ces recherches très ponctuelles qui sont mises sur le marché aujourd'hui pour les patients, qu'il ne faut pas cliquer sur n'importe quelle offre de thérapie cellulaire telle qu'elle peut être indiquée pour donner de faux espoirs aux gens qui nous écoutent. Pour le moment, on est encore dans le domaine de la recherche fondamentale. Francine Baer-Cohen. Alors on est un petit peu plus avancé que la recherche fondamentale puisqu'on est passé au stade de la recherche clinique et certains des travaux dont vous parlez, on en entend parler nous dans le monde scientifique depuis des années et des années et des années. Alors c'est un aboutissement sur le plan technologique, sur le plan scientifique, c'est un aboutissement aussi sur le plan réglementaire. Et ça, il faut le souligner, parce que pouvoir passer à une application chez l'homme, c'est bien 5 ou 6 ans de travail dans l'ombre et pour arriver. Donc c'est plus que de la recherche fondamentale, mais à ce stade, tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est faisable. Voilà, ça a été fait. Maintenant, qu'est-ce que ça va donner en termes de résultats? Quel sera le long terme? Quel sera le bénéfice? Pour le moment, on attend. C'est déjà un grand pas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler de ce que l'on sait, on va parler de ces différentes formes que peut prendre la DMLA, et puis à la fin, tout à l'heure de cette émission, une fois qu'on aura fait le tour des connaissances autour de cette maladie, on reparlera de ces publications, de ces traitements, mais aussi d'autres formes de traitement de cette maladie. Avant, peut-être peut-on commencer, Michel Pack, par rappeler, ça va être important, quelques béabas, en tout cas, du fonctionnement de ce petit bijou de biologie qu'est la humain, et puisqu'il nous indiquera ce qu'est la DMLA et à quel endroit ça dysfonctionne. Oui, l'œil a toujours fasciné les biologistes et bien sûr les médecins, parce que c'était un des organes qui a fait douter Darwin lui-même de sa propre théorie de l'évolution. Comment est-ce qu'un organe aussi sophistiqué a pu voir le jour? Alors, l'œil, donc, c'est une sphère d'environ 25 mm de diamètre. Et ce qui va nous intéresser dans le cas de la DMLA, c'est le tissu photosensible, la fine membrane qui est au fond de l'œil, qui comporte toute une série de neurones, et en particulier les neurones qu'on appelle les photorécepteurs. Ce sont eux qui vont donc capturer la lumière. Donc, pour que la lumière arrive jusqu'au photorécepteur, la lumière doit traverser successivement la cornée, le cristallin, le vitré, arriver à la rétine, traverser encore la rétine pour arriver... c'est ça le paradoxe, c'est que la lumière doit traverser la rétine elle-même avant d'arriver jusqu'au photorécepteur. Certaines structures des photorécepteurs donc se chargent de capturer cette lumière par l'intermédiaire d'une protéine qu'on appelle la rhodopsine ou l'opsine des cônes. Et donc, il y a deux types de photorécepteurs, les cônes et les bâtonnets. Chacun a une fonction bien précise. Alors... plutôt que de parler simplement de photorécepteurs, surtout dans le cas de l'DMLA, il faut parler de l'unité photorécepteur cellule de l'épithélium pigmentaire, parce qu'il y a un partenariat très étroit entre ces deux types de cellules, donc les photorécepteurs d'un côté, qui sont des neurones, et les cellules de l'épithélium pigmentaire, dont on vient de parler d'ailleurs dans les études, et qui sont, ces cellules de l'épithélium pigmentaire sont en quelque sorte le partenaire obligatoire des photorécepteurs pour leur survie, pour leur assurer tout un tas de fonctions différentes, qui sont sans doute d'ailleurs pas tout à fait complètement identifiées. Je vous interroge juste une seconde pour préciser à nos auditeurs que pour visualiser tout ça, nous sommes en train de mettre des images et justement des schémas de coupe de l'œil qui permettent d'illustrer et de visionner éventuellement ces différents endroits, ces différentes parties de l'œil que vous êtes en train de décrire, Michel Pack, mais je vous laisse continuer. Et donc, on parle de dégénérescence maculaire et non pas de dégénérescence rétinienne, parce que la macula est une partie bien précise de l'ensemble de la rétine. C'est la partie centrale de la rétine. Et c'est celle qui est justement la plus utilisée au cours de la vie quotidienne. D'ailleurs, les gens qui n'ont, pour diverses raisons, uniquement préservé la macula au cours d'une maladie rétinienne autre, par exemple, peuvent vivre tout à fait normalement, avec un champ visuel certes réduit, mais une fonction visuelle par ailleurs tout à fait normale. Et donc, la DMLA s'attaque spécifiquement à cette région maculaire. Et cette région maculaire a une plus forte densité en photorécepteurs, donc c'est une région qui permet la meilleure acuité visuelle. Si vous lisez un texte en petits caractères, vous utilisez forcément la macula et même plus précisément une zone qu'on appelle la fovea. Qui est une petite zone encore plus petite à l'intérieur de la macula. Voilà, qui mesure environ 300 microns, qui a la particularité de composer uniquement de photorécepteurs. Les autres cellules participent au traitement de l'information, parce que la rétine est comme un véritable petit ordinateur qui traite l'image avant de l'envoyer au cerveau. Et donc cette petite zone est dégagée de toute autre cellule pour interférer avec la transmission de la lumière. Francine Béard-Cohen, qu'est-ce qu'on peut ajouter pour compléter cette première description que vient de faire Michel Pack, qui était certes fournie et relativement complète, mais que pourriez-vous ajouter pour permettre de bien comprendre ces mécanismes de la vision qui vont nous permettre ensuite de comprendre ce qui se passe lorsqu'on présente des symptômes de DMLA? Il y a deux éléments effectivement qu'on pourrait ajouter, les milieux qui sont traversés, notamment le cristallin. C'est important de savoir que l'œil interagit avec la lumière de façon différente en fonction de l'âge du cristallin, et que plus on vieillit, moins de composés bleus parvient à la rétine. Et en quelque sorte, ce jaunissement du cristallin protège un peu la rétine d'une lumière bleue qui est peut-être phototoxique et qui peut intervenir dans un des mécanismes de vieillissement de la rétine. L'autre élément qu'il est important, je pense, de préciser encore, dont a parlé très justement Michel Pack, c'est l'épithélium pigmentaire de la rétine qui, lui, se situe en arrière de la neurorétine, et encore plus arrière, on a la choroïde qui vascularise les photorécepteurs, puisque cette région qui a une activité métabolique extrêmement importante n'est pas vascularisée et va recevoir tous ses nutriments et son oxygène de la choroïde. Et la DMLA, c'est une pathologie du complexe photorécepteur, épithélium pigmentaire et choroïde. Donc tout ça, Michel Pack, pour résumer, se passe tout à fait à l'arrière de l'œil et sur des zones qui sont des zones extrêmement petites. Voilà, c'est ça. La fovéa mesure environ donc 300 microns, comme je l'ai dit. La macula en elle-même, environ 3 à 4 millimètres de diamètre. Voilà. La méthode scientifique, Nicolas Martin. À 16h11 sur France Culture, nous parlons de DMLA tout au long de cette heure en compagnie de Michel Pack et de Francine Béard-Cohen. Maintenant que nous avons à peu près décrit bien comment fonctionne, alors à très très grand renfort, hein, de manière un peu schématique, comment fonctionne l'œil, ou en tout cas comment fonctionnent les parties de l'œil qui vont être touchées par la DMLA. Qu'est-ce que c'est que cette DMLA, Francine Béard-Cohen? Comment est-ce que on peut la diagnostiquer? Dégénérescence maculaire liée à l'âge, on entend souvent les patients dire « j'ai la macula ». Je leur dis « heureusement ». Donc la macula, on l'a tous, mais on va tous vieillir. Mais finalement, on peut considérer que cette pathologie, c'est un vieillissement anormal, donc pathologique. On vieillit trop et on vieillit mal. Donc on a une atteinte qui va se caractériser, comme tout vieillissement, hein, de façon extrêmement progressive. Exactement comme on a des rides sur la peau, on n'apparaît pas tout d'un coup rempli de rides. C'est petit à petit, sur des années, que l'interaction, notamment sur la peau avec les UV, hein, vont entraîner au départ des lésions invisibles. Et puis un jour, la première ride, etc., jusqu'à l'apparition de toutes les rides. Sur la rétine, c'est pareil. Il y a pendant très longtemps, probablement, une période où on ne voit rien, où il y a du stress oxydatif, comme dans tous les processus de vieillissement. Où on ne voit rien, où vous, les praticiens, personne, ne voyez rien, où personne ne voit rien. Ni le patient, ni le médecin. Ce n'est pas le patient qui perd la vue qui ne voit rien, c'est qu'on ne voit rien parce que c'est asymptomatique. Asymptomatique, voilà. et sans signe aussi. Il n'y a pas de symptômes, il n'y a pas de signe. Ensuite, il y a une période sur laquelle l'ophtalmologiste va observer quelque chose, donc il y a donc des signes, mais aucun symptôme. Et ce qu'on observe, ce sont des petits dépôts sous la rétine, dont on va pouvoir caractériser la forme, la taille, la répartition, qui permettra de caractériser, de classer la maladie. Et puis, petit à petit, ces dépôts vont être plus importants, vont entraîner peut-être des symptômes cette fois-ci, et ensuite la maladie va s'installer, et c'est à ce moment-là que le patient pourra commencer à ressentir une gêne, et parfois une baisse brutale ou des déformations, donc aura des symptômes cette fois-ci. Quelle est aujourd'hui, Michel Pack, l'épidémiologie de la DMLA en France? Alors en France, on estime qu'environ 1-2 millions de personnes sont atteintes, et ce sont par définition, parce que la DMLA a une définition, c'est qu'elle survient au-delà de 55 ans. D'ailleurs, je ne serai peut-être bientôt à risque moi-même, hélas. Donc la maladie m'intéresse effectivement de plus en plus pour cette raison. Mais cela mélange des situations extrêmement différentes. Ça ne veut pas dire qu'il y a 1 à 2 millions de personnes qui sont aveugles. Et ce d'autant plus que les chiffres ont tendance à diminuer avec justement l'arrivée des traitements qui permettent de mieux contrôler la maladie, en tout cas dans sa forme humide. Il y a évidemment, logiquement, une prévalence de plus en plus élevée au fur et à mesure que l'âge augmente. Est-ce qu'il peut y avoir des DMLA qui sont plus ou moins tardives, Francine Béard-Cohen, ou est-ce qu'elles se déclarent toutes approximativement au même âge? Non, elles peuvent, plus on vieillit, plus on a une probabilité de voir apparaître une maladie. Par contre, on sait que si à 80 ans, on n'a pas du tout de signe de vieillissement de la rétine, la probabilité d'avoir une dégénérescence maculaire devient extrêmement faible. Quels sont il y a aussi, alors j'ai lu, c'est peut-être intéressant pour la suite quand on va parler des causes possibles ou que l'on a identifiées de la DMLA, il y a une différence en fonction de l'origine ethnique, Michel Pack? Oui, effectivement, les sujets, on va dire, qu'on appelle caucasiens, pour une raison historique qui m'échappe d'ailleurs, donc autrement dit les sujets, on va dire, blancs, sont plus à risque, effectivement, de développer une DMLA par rapport aux sujets qu'on appelle afro-américains aux États-Unis, donc les noirs. Voilà. Ou hispaniques, ou asiatiques aussi. Il y a un gradient qui fait qu'en tout cas, ce sont effectivement... Asiatiques, africains, à peu près la même prévalence, et caucasiens, clairement... beaucoup plus à risque. Et même certaines études disent que d'avoir les yeux plus clairs donnerait un tout petit facteur de risque supplémentaire. Donc, c'est effectivement la pigmentation sombre de l'œil, qui souvent est parallèle à celle de la peau, peut protéger effectivement de l'œdème. Alors, quels sont. Vous évoquiez tout à l'heure une première phase où il n'y a ni signe ni symptôme, où il y a une accumulation. Cette première forme très asymptomatique, on l'appelle la MLA et on peut d'ores et déjà intervenir dessus, Francine. Alors, dans la maculopathie à l'IALH, c'est la forme où l'ophtalmologiste, ou l'examen du fond d'œil, la photo du fond d'œil permet de voir des petites lésions. Intervenir, c'est beaucoup dire. On peut conseiller, en tout cas, d'arrêter de fumer, puisque c'est un des facteurs de risque majeurs. On peut conseiller d'avoir une alimentation saine, enrichie certainement en vitamines et en certains aliments. On peut éventuellement prescrire des compléments alimentaires. Ça reste encore, souvent dans des formes encore légèrement plus avancées. Et finalement, on peut faire assez peu de choses, malgré tout. Il y a deux formes de la DMLA, une forme qu'on appelle atrophique dite sèche et une forme humide. Alors, je vous demande évidemment quelle est la différence entre les deux, quelles sont les différences en termes d'épidémiologie. Est-ce qu'il y en a une qui est plus fréquente que l'autre? Est-ce que ce sont strictement deux formes de la même affection ou est-ce que ce sont deux formes très distinctes qu'on a réunies sous le même nom, Michel Pack? Alors, les études génétiques, parce qu'il y a une composante génétique importante à la DMLA dont on n'a pas encore parlé, on en reparlera dans quelques instants, montrent clairement qu'il n'y a pas de différence dans le fond génétique entre une forme qu'on dit sèche et une forme qu'on dit humide. Je parle sous le contrôle de Francine, je pense, mais d'après ce que j'ai lu, il n'y a donc aucune différence. Donc on peut considérer que c'est globalement la même maladie à la base. Et il y a donc d'autres facteurs qui interviennent pour l'évolution clinique de chaque patient. Il y a donc deux formes, des formes de la DMLA qu'on dit avancée, donc c'est la forme atrophique ou la forme néovasculaire. Grosso modo, on estime que la proportion est à peu près équivalente avec peut-être un peu plus de formes néovasculaires en France, mais ça varie beaucoup d'un pays à l'autre. Elle a donc cette forme sèche se caractérise par une disparition localisée de l'épithélium pigmentaire, donc la cellule de soutien du photorécepteur, et cette disparition commence par un point tout petit. Et ce point s'élargit pour former des plaques qui peuvent dépasser même la taille de la macula. Tandis que la forme humide se caractérise par l'apparition d'une complication très spécifique qu'on appelle une néovascularisation, c'est-à-dire un vaisseau sanguin issu le plus souvent de la choroïde. Alors, il y a des discussions autour de la possibilité de nouveaux vaisseaux apparaissant au niveau de la rétine elle-même. Mais en tout cas, dans la plupart des cas, elle apparaît au niveau de la choroïde, donc sous la rétine elle-même, elle traverse l'épithélium pigmentaire et envahit la rétine. Et donc, en détruisant donc des cellules. En détruisant les photorécepteurs, les photorécepteurs pigmentaires, voilà, et ça. Tout ça. Voilà. Et donc, ces deux formes sont cependant souvent associées au cours du temps. Si on suit longtemps une forme sèche, on peut voir des nouveaux vaisseaux apparaître de temps en temps et vice-versa. Maintenant qu'on sait bien contrôler les formes humides, si elles sont prises à temps, bien sûr, on voit apparaître sous-jacente à cette forme humide une forme atrophique. Donc, ça conforte l'idée que c'est plutôt la même maladie. Et il serait intéressant d'ailleurs de comprendre pourquoi certains patients ont de façon prédominante une forme atrophique et d'autres de façon prédominante une forme néovasculaire. Francine Bercoën, sur ces deux formes. Oui, c'est tout à fait juste. Et je crois que jusqu'en 2005, il y avait un grand débat et certains pensaient que c'était des maladies très distinctes. En 2005, il y a eu deux publications dans Science qui ont mis en évidence effectivement un facteur génétique commun. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce facteur génétique, c'est une prédisposition à avoir une réaction inflammatoire exagérée. On peut donc considérer que cette maladie est quasiment une maladie de l'inflammation. C'est une réaction inflammatoire non contrôlée à des agressions. Et comme toute inflammation, au cours de l'inflammation, on peut voir apparaître une néovascularisation parce que le tissu va tenter, au départ, l'inflammation, c'est quelque chose de bénéfique. C'est la restauration, la réparation. Donc, on va tenter d'apporter des vaisseaux, on va tenter d'apporter plus de tissu. Malheureusement, on ne peut pas rapporter, on ne peut pas refabriquer des neurones. Et donc, à terme, l'évolution naturelle, si on ne traitait pas même les néo-vaisseaux, ce serait de la fibrose, tout simplement. Ce serait une cicatrice. Malheureusement, dans cette bataille, on perd des cellules visuelles. Donc aujourd'hui, ce qu'on tente de faire, c'est de, au cours de cette bataille, contrôler, rediriger la réparation, c'est ce qu'on va faire aussi avec des cellules souches, pour qu'on ne peut pas lutter contre le vieillissement, on ne peut pas lutter contre cette réaction, parce que c'est un terrain génétique, c'est comment l'individu réagit face à une agression, mais c'est rediriger cette réparation pour tenter, in fine, de conserver des cellules qui permettent de garder de la vision. Et on va vous mettre le lien sur le fil Twitter vers l'émission que nous avions consacrée précisément au syndrome inflammatoire et aux points communs qu'il peut y avoir entre différentes formes d'affection inflammatoire, où on vous expliquait très bien tout ça. C'était avec Caroline Tourbe il n'y a pas très très longtemps. Aujourd'hui, donc vous me dites, Michel Pax et Francine Bercohen, aujourd'hui les formes sèches et humides sont à peu près à 50-50 en termes d'épidémiologie. Il n'y a pas de prévalence d'une forme sur l'autre en particulier ? Non, pratiquement pas. Au départ, on avait plutôt l'idée que les formes humides étaient moins fréquentes. Mais aujourd'hui, peut-être parce qu'on les détecte mieux, on les diagnostique mieux, il y a des méthodes d'imagerie qui permettent même de les voir sans qu'elles aient donné de signes. Alors, on considère que c'est à peu près 50-50. Oui, on peut détecter maintenant des tout petits néovaisseaux qui paraissent quiescents, qui ne bougent pas, qui, contrairement à l'idée communément admise que les néovaisseaux étaient une complication assez explosive, on va dire, de la maladie, on détecte maintenant, grâce en particulier à la tomographie de cohérence optique, qui est l'OCT, qui devient l'examen majeur de suivi des patients atteints de DMLA, on découvre effectivement des néovaisseaux qui, en quelque sorte, quiescents, dont maintenant le débat se pose sur l'opportunité ou pas de traiter des néovaisseaux qui sont, semble-t-il, tapis dans l'ombre et qui n'ont pas entraîné de dégâts particuliers. On entend aussi dans ce que vous dites, et on va voir tout à l'heure dans la partie consacrée à la thérapeutique et aux soins, qu'il est essentiel, extrêmement important, de faire des diagnostics très précoces avant même l'apparition des symptômes. Oui, c'est important de savoir qu'on a une pathologie, de savoir aussi quels signes doivent conduire à un traitement ou à un examen extrêmement rapide, en sachant que ce n'est pas non plus une maladie qui nécessite en extrême urgence un traitement, quoi qu'il arrive, qu'on a toujours 2-3 jours. Donc effectivement, c'est important d'être informé et de faire du dépistage systématique. Est-ce que de ces formes sèches et humides, il y a des formes qui sont, il y a l'une des deux formes qui est plus rapidement évolutive, Michel Pack? Oui, les formes néovasculaires clairement sont formes humides, donc. Formes humides, oui, sont clairement de loin les formes les plus rapidement évolutives. Et d'ailleurs, maintenant, vous avez même à la télévision des annonces qui préviennent que lorsque vous percevez une déformation visuelle d'un œil, ça peut représenter une urgence médicale, et ça, c'est très vrai. C'est pour ça qu'il est important de s'auto-dépister en quelque sorte pour la présence de déformations visuelles. Mmh. S'auto-dépister en un mot pour les auditeurs qui nous écoutent et qui n'ont pas vu ces annonces à la télévision, comment est-ce que je peux m'auto-dépister de la DMLA ? Ça se pratique en cachant un œil et puis l'autre, et en regardant. Il faut prendre un repère que vous avez chez vous, par exemple le bord d'une fenêtre, par exemple une ligne droite, et si des déformations apparaissent sur cette ligne droite, ça peut être un signe qu'effectivement quelque chose est en train d'arriver, et il vaut mieux prendre contact avec un ophtalmologiste dans les jours suivants. Ou sur des rainures de carrelage aussi, si vous avez ça sous l'œil. Par exemple, voilà. Exactement. J'ai lu aussi, donc effectivement la forme humide peut être plus rapidement évolutive. La DMLA peut être aussi, et même assez souvent, au début unilatérale, Francine Béard-Cohen. Elle est pratiquement toujours, en tout cas symptomatique, de façon unilatérale. Quand on observe les patients, très souvent, on va observer des signes, nous-mêmes, des deux côtés, mais le patient n'aura un symptôme que d'un côté. Et la néovascularisation va se développer généralement dans un œil, en sachant qu'il y a 50% de chances dans les 2 ans de voir apparaître une néovascularisation de l'œil, de l'autre œil, quand on a eu un néovaisseau d'un côté. J'aimerais qu'on dise un mot aussi aujourd'hui de ce que l'on sait des causes de cette DMLA, quelle que soit d'ailleurs sa forme, que ce soit la forme atrophique, ou c'est-à-dire la forme sèche ou la forme humide. On sait que c'est une maladie multifactorielle et polygénique. On connaît beaucoup de marqueurs, mais on ne connaît pas de marqueurs exclusifs, en quelque sorte, Francine Bercohen, qui soit directement lié ou qui cause immédiatement, systématiquement, le développement de la maladie. Non, clairement, puisque c'est une maladie qui n'est pas monogénique. Donc il n'y a que dans les maladies monogéniques ou un toxique pur ou un agent infectieux qui serait responsable d'une maladie. Dans toutes les autres maladies, c'est multifactoriel, comme vous l'avez très bien dit. Et on a des facteurs environnementaux, on a des facteurs génétiques. Dans les facteurs génétiques, c'est très complexe parce qu'on a identifié effectivement certains gènes qui prédisposent à cette inflammation non contrôlée. Mais ne serait-ce que sur cet élément-là, il y a de très nombreux polymorphismes qui protègent. Et donc, simplement faire un test et voir qu'on a ce polymorphisme-là ne veut pas dire grand-chose, parce que d'autres polymorphismes protecteurs peuvent complètement changer l'évolution. Donc c'est un peu le danger aujourd'hui de ces tests qui voudraient un petit peu prédire l'avenir. Les polymorphismes étant des variants génétiques permettent justement de plus ou moins exprimer des facteurs d'inflammation qui permettent justement de protéger contre l'expression d'autres gènes qui sont des gènes de facteurs aggravants. Donc aujourd'hui on connaît bien, Michel Pack, tous les facteurs génétiques ou polygéniques qui conduisent à la DMLA, ou est-ce qu'il y a encore quelques inconnus de ce côté-là? Il y a encore beaucoup d'inconnus. De toute façon, un généticien vous dira toujours qu'il y a toujours quelque chose à découvrir en génétique, bien sûr. Mais là, en l'occurrence, dans les termes, dans la maladie de la DMLA, il y a encore beaucoup de choses. Non seulement beaucoup de variants restent encore à découvrir, bien que, semble-t-il, la majorité ait été déjà trouvé. Il y a aussi l'interaction entre les différents variants qui reste à déterminer. Donc à partir des données génétiques déjà identifiées, on peut déjà commencer à établir dans quelle mesure ils interagissent pour faire un profil de risque défini pour un patient. Et c'est déjà en train de se faire. Et on doit pouvoir aboutir bientôt à définir quel est le risque d'un patient donné en fonction non seulement du génome, mais également des autres facteurs, l'âge étant évidemment le premier facteur. Et les facteurs environnementaux, parce qu'il y a aussi une interaction entre les facteurs environnementaux et les facteurs génétiques. Bien sûr. Et donc, comme dans le cancer, finalement, on peut avoir un polymorphisme ou un oncogène, et c'est le facteur environnemental qui va finalement déclencher la maladie. Donc ici, c'est intéressant de voir que malgré tout ce qui a été fait comme recherche, et il y en a eu beaucoup sur les facteurs de risque environnementaux, il n'y en a pas tant que ça qui apparaissent très très clairs. Hein. Donc il y a effectivement le fumé. Le tabac, c'est très très net. Hein. C'est très très net, oui. Et maintenant, de plus en plus, les méta-analyses mettent quand même en évidence que la lumière, l'exposition au soleil, et notamment dans le jeune âge finalement, peut être un élément favorisant la survenue de la maladie, ce qui n'est pas très étonnant, stress oxydatif, radiation, tabac, donc c'est assez... L'obésité également est un facteur environnemental important, Michel Pack? Oui, enfin important, non, je dirais que ça a été associé statistiquement. Il y a un facteur de risque léger, enfin vous avez un risque légèrement plus élevé de faire une DMLA si vous êtes obèse, mais ce risque est quand même très en deçà des facteurs bien sûr génétiques et du tabagisme. Le tabac, pour avoir un ordre de grandeur, le fumer, ça augmente les risques vraiment de manière très significative? Alors, à ma connaissance, ça double le risque, on va dire, à peu près. Mais encore, il y a grands et petits fumeurs, évidemment, le risque est fonction de la quantité de. J'ai lu, alors, c'est pas très encourageant pour les gens qui veulent ou qui ont arrêté de fumer. J'ai lu que même le risque continue à durer même assez longtemps après avoir interrompu le tabac. Comme dans le facteur de risque tabac, il est même sur de muqueuses, hein, c'est à peu près 15 ans pour retrouver un tissu normal. Donc, effectivement, il vaut mieux arrêter tôt. Et j'ai lu également, on en parlait tout à l'heure, Francine Bercohen, que la lumière bleue, la surexposition à la lumière bleue, alors il y a beaucoup de points d'interrogation là aussi, il faut prendre beaucoup de pincettes, mais qu'on se dit que ça peut être un facteur aggravant peut-être. Ça c'est le grand débat. Ça c'est un grand débat. Mais ce qui est très clair, c'est que toutes les études expérimentales ont toujours montré que la lumière bleue, et on a déterminé un élément qu'on appelle le blue light hazard, donc le danger de la lumière bleue, il est très clair que les longueurs d'onde courtes, particulièrement vers 430-460 nanomètres, vont entraîner des lésions de la rétine. Maintenant, chez l'homme, c'est difficile d'avoir des facteurs d'études épidémiologiques qui mettent en évidence ce rôle de la lumière bleue. Par contre, la lumière solaire, dans sa composante spectrale complexe, elle va essentiellement être toxique par la lumière visible, puisque les UV, contrairement à ce que tout le monde pense finalement, n'arrivent pas à la rétine. Donc ça ne peut pas être les UV qui vont être toxiques, c'est la composante du visible. Et plus les longueurs d'onde sont courtes, plus elles transportent de l'énergie, plus elles sont à même d'entraîner des réactions photochimiques et photodynamiques, donc des stress oxydatifs. La lumière bleue, on parle évidemment énormément de la lumière qui est générée par les écrans, quels qu'ils soient, d'ordinateur, de télévision, de téléphone portable, de tablette, qui génèrent beaucoup de lumière bleue et dont on sait qu'elle peut avoir, on en a parlé aussi ici, des conséquences sur l'endormissement, sur le sommeil, sur l'activité cérébrale, et donc manifestement une toxicité pour l'œil aussi, Michel Pack. Oui, alors manifestement, comme disait Francine Bercohen, il faut être prudent. Alors chez l'homme, en tout cas, les études ont été longtemps contradictoires, certaines dégageant un effet significatif sur la vision, d'autres niant celui-ci. Donc, comme le disait encore une fois Francine, le débat fait toujours rage parce que les conséquences sociales sont évidemment importantes d'une conclusion tendant à diminuer l'éclairage direct du soleil. Donc, de tout ça, pour conclure cette première partie un peu de diagnostic en quelque sorte, on a un tableau de réduction des risques tout de même assez clair et assez nettement établi. Francine Bercohen, pas de tabac, une alimentation équilibrée, des lunettes de soleil pour se protéger et éventuellement pas trop d'écran. Voilà, c'est ça. comme pratiquement pour toutes les maladies, il faut avoir une vie équilibrée, bien manger et en plus faire du sport. Parce et que certaines études montrent que ça pourrait diminuer. L'obésité joue un rôle, voilà. Effectivement. Ouais. Et éventuellement, potentiellement, arrêter de vieillir, mais ça c'est plus compliqué. La méthode scientifique, Nicolas Martin. J'ai vu de Niagara, puisque nous parlons de DMLA tout au long de cette heure sur France Culture. Il est 16h33, nous en parlons en compagnie de Francine Bercohen, qui est professeure et praticienne en ophtalmologie à l'Hôtel Dieu à Paris, responsable de l'équipe INSERM, physiopathologie des maladies oculaires, innovation thérapeutique, et en compagnie de Michel Pack, ophtalmologiste à l'hôpital des 15-20 et chercheur à l'Institut de la Vision. Alors après avoir dressé le tableau symptomatologique, les causes, les conséquences et les effets de la DMLA, nous allons parler des traitements et de la recherche dans ce domaine, puisque les formes sèches et humides ne s'abordent pas du tout de la même façon. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous vous êtes rendu à l'Institut de la Vision, chez Michel Pack, à Paris, donc, pour voir quelles sont les pistes thérapeutiques en recherche préclinique pour la forme sèche. Oui, dans la DMLA de type sèche, il y a une accumulation des cellules inflammatoires dans la rétine. Les macrophages s'attaquent aux photorécepteurs de la macula. Alors pour comprendre pourquoi, le docteur Florian Senlob et son thésard Christophe Roubaix ont regardé le problème au niveau moléculaire, et il semblerait qu'il s'agisse entre autres de causes génétiques. Et leurs expériences actuellement portent sur des souris pour comprendre l'expression des gènes en question, pour restaurer l'immunosuppression et donc la vue centrale. Pourquoi dans un œil normal, il n'y a pas de macrophage ? Donc c'est un endroit qui est immunosuppresseur normalement. Donc dès qu'il y a un macrophage qui s'aventure dans les photorécepteurs, il est éliminé parce que le tissu il est immunosuppresseur. Et quand on regarde les yeux de gens qui ont une atrophie, une DMLA de forme sèche, cet immunosuppresseur ne semble plus marcher. Et c'est à la fois parce que l'œil il a changé, il n'est plus aussi immunosuppresseur, mais peut-être aussi que les gens qui ont tendance à faire la maladie ont des macrophages qui sont particulièrement résistants à être éliminés. Et donc vous, vous travaillez sur les mécanismes de l'immunosuppression, vous cherchez à réactiver cette fonction? Voilà, donc en gros, on a essayé d'abord de comprendre qu'est-ce qu'ils produisent et qu'est-ce que ça fait pour l'œil. Donc on a pu identifier pas mal de, ça s'appelle des cytokines inflammatoires, donc des protéines qui sont produites par le macrophage et qui nuisent aux photorécepteurs. Après, on s'est concentré surtout sur les mécanismes, sur la question pourquoi certaines personnes vont avoir un DMLA et pas d'autres. Donc on sait que l'âge est très important, mais après, il y a surtout les facteurs génétiques. Et quand on a regardé les facteurs génétiques, et on a pu décrire un mécanisme qui est donc un mécanisme d'immunosuppression, et ces facteurs, ils agissent à chaque fois là-dessus. Donc si j'ai le facteur de risque, le variant de risque, mon immunosuppression marche moins bien, mes macrophages sont moins bien éliminés, ils ont plus tendance à s'accumuler et de faire une inflammation chronique qui devient pathologique. Quel type d'expérience vous menez ici en laboratoire à l'Institut de la Vision pour comprendre ces facteurs génétiques et leur expression? Idéalement, on part du patient. Donc on a fait une collection de tissus atteints de la dégénérescence maculaire liée à l'âge, où on regarde qu'est-ce qu'il y a comme cellules, qu'est-ce qu'il y a comme protéines qui sont exprimées dans ces tissus. Mais comme on travaille sur le macrophage, il y a un précurseur du macrophage qui circule dans le sang. On a fait pas mal d'études sur le sang des patients qui font une dégénérescence maculaire à l'âge. On reprend leur, ça s'appelle des monocytes, c'est un type de leucocyte qui devient macrophage quand il va dans le tissu. Et on regarde dans les gens qui ont le variant de risque par rapport aux gens qui n'ont pas le variant de risque, et dans les gens qui n'ont pas de DMLA par rapport à des gens qui ont une DMLA, si on trouve des facteurs et ce mécanisme qu'on refait un peu in vitro, si on trouve des différences entre le risque, les gens qui sont malades ou ceux qui ne sont pas malades. Donc, du coup, après, on a des modèles animaux, donc des souris, et il leur manque un facteur qui est normalement, qui fait partie de l'immunosuppression. Donc, on les utilise pour tester des molécules pour leur rendre l'immunosuppression, donc éliminer, en gros, en finir avec l'inflammation. Et là, on a une souris que le postdoc a compté tout à l'heure, et on va aller voir ça. Donc c'est une souris dont il manque un gène qui s'appelle la thrombospondine 1 et elle fait une inflammation dans les couches des photorécepteurs comme chez l'humain. Et donc Christophe, il a mis à plat des rétines et de ces souris-là. Enfin, on les a un peu mis une lumière un peu forte, mais pas vraiment toxique. Et du coup, ces souris-là, contrairement à des souris qui ont tous leurs gènes, ils vont faire une accumulation de macrophages. Voilà, donc on a créé donc cette accumulation de macrophages chez ces souris, qu'on a ensuite anesthésié ces souris, on les a injectées avec la thrombospondine 1 en l'occurrence, et on voit qu'on a sacrifié ces souris 3 jours plus tard, et on voit que la seule injection de ce ligand thrombospondine 1 permet de diminuer de manière drastique, de manière vraiment significative, l'inflammation induite par l'inflammation et par la délétion de la TSP1 chez ces souris. Alors voilà, c'est les yeux des souris qu'on a sacrifiés. On a fait un montage à plat pour pouvoir le mettre entre lame et lamelle. On a fait un marquage fluorescent pour marquer une protéine qui reconnaît spécifiquement les cellules inflammatoires. Et ici, on peut reconnaître très facilement les cellules inflammatoires en vert qui ont envahi l'espace rétinien et qui survivent dans cet espace immunoprivilégié. Normalement, ils sont tués par les cellules du RPE. Et ce qui est en vert, ici, là, vous voyez, ça, c'est une cellule. Voilà. Une cellule inflammatoire, 2 cellules inflammatoires, 3 cellules inflammatoires. Et donc, on peut les compter, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ça nous donne une densité en cellules inflammatoires qu'on corrèle après au degré inflammatoire de la souris, de l'œil de la souris. Là, c'est une image qui est prise après combien de jours après l'injection? Alors, 3 jours après l'injection. 3 jours après l'injection, donc là, vous avez une image à un niveau inflammatoire élevé. Et avec le traitement, on a une densité qui est à peu près, j'ai pas encore fait les statistiques, mais 5 fois, 10 fois inférieure. Donc, c'est très efficace en tout cas. Donc on pense qu'on pourrait très bien arriver à restaurer l'immunosuppression et rendre les macrophages plus susceptibles et les éliminer comme c'est fait chez les jeunes gens. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de raison que ce ne soit pas possible. Voilà le reportage du jour sur une piste de recherche thérapeutique sur la DMLA atrophique ou sèche. Une réaction à ce que vous venez d'entendre l'un autre, Michel Pack, c'est chez vous que ça se passe. Donc. Oui, c'était donc, ça faisait partie des thérapies qui ne font pas appel à la greffe de cellules. Donc c'est un domaine de recherche extrêmement actif. D'ailleurs, ça a été de loin le plus actif ces dernières années. Parce qu'évidemment, il est théoriquement plus simple d'application qu'une thérapie chirurgicale. Donc, c'est une piste effectivement tout à fait originale, explorée donc par Florence Henault, avec qui je travaille à l'Institut de la Vision, et sur laquelle j'y participe à mon niveau en faisant des travaux d'imagerie à haute résolution chez les patients, pour tenter de détecter justement les cellules inflammatoires dont ils parlent. Donc, ce sont des travaux qui consistent à utiliser des caméras spécifiquement dédiées à l'imagerie de la rétine, et qui permettent, lorsqu'on suit les patients au fil du temps, de détecter des mouvements cellulaires qui pourraient correspondre justement aux cellules inflammatoires dont il parle. C'est intéressant, cette piste effectivement qui ne met pas en jeu des cellules souches, Francine Béard-Cohen, cette piste de l'inflammation que vous évoquiez tout à l'heure. Alors il y a plusieurs pistes de l'inflammation, il y a plusieurs façons de régler cette surinflammation. Il y a effectivement à aller comprendre, et ça c'est nécessaire, pourquoi il y a cette augmentation inflammatoire. Il y a toutes les cytokines qui peuvent être régulées localement. Je développe moi une thérapie non génique qui permet d'apporter des facteurs anti-inflammatoires, notamment neutraliser par exemple le TNF. Et on a déjà appliqué ce traitement chez des patients avec le tumeur nécrosis factor, qui est un des facteurs qui va tuer le photorécepteur quand il y a une réaction inflammatoire. Parce que quand il y a une réaction inflammatoire, encore une fois, il y a des cytokines qui sont bénéfiques et des cytokines qui sont néfastes. Parmi celles qui sont néfastes, cette cytokine, elle s'appelle tumeur nécrosis factor parce qu'elle elle a une potentialité très forte de destruction cellulaire, peut être neutralisée notamment simplement avec un traitement qui permet, avec un tout petit dispositif, de libérer une molécule sur plusieurs mois. Donc effectivement, il y a énormément de stratégies qui visent aujourd'hui à contrôler l'inflammation. Il y a d'autres pistes importantes qui sont notamment celles du fer dans la rétine. Donc comme c'est dans le cerveau. Alors ça, c'est une stratégie. Il y a plusieurs équipes qui travaillent dans le monde et notre équipe travaille de façon très active. On a pu démontrer que dans toutes les dégénérescences rétiniennes, il y a accumulation de fer dans la région des photorécepteurs et de l'épithélium pigmentaire. Et ce fer est extrêmement toxique. On sait par exemple que si on a un corps étranger dans l'œil qui contient du fer, dans les quelques jours qui suivent, on va avoir une totale dégénérescence des photorécepteurs. Et il y a une molécule dans l'œil qui est produite par l'œil lui-même, qui est la transférine, qui est un capteur du fer. C'est la deuxième protéine la plus présente à l'intérieur de l'œil, à dire à quel point c'est important de contrôler la quantité de fer. Et simplement en redonnant de la transférine, on peut complètement absorber cet excès de fer et protéger, exactement comme dans les expériences qui ont été faites à l'Institut de la Vision, de tous ces modèles de dégénérescence induits par la lumière, induits par le stress oxydatif. Et d'ailleurs, je voulais juste souligner que tous ces travaux, qui sont très importants, qui sont faits par toutes ces équipes, utilisent ce modèle de stress induit par la lumière. Donc ça montre que même si on considère que chez l'homme, c'est pas un facteur remarquablement démontré par l'étude épidémiologique, c'est quand même ce qui sert pour créer des modèles qui serviront ensuite à fabriquer des médicaments. Parce qu'il faut, préciser quelque chose que l'on n'a pas dit encore et qui est important, c'est qu'aujourd'hui, autant il y a un certain nombre de possibilités d'intervention, et notamment depuis une dizaine d'années sur la DMLA humide, autant sur la DMLA sèche, on n'a pas beaucoup aujourd'hui de méthodes thérapeutiques efficaces à tester, Michel Pack. Oui, je crois que au dernier relevé, il y a 50 études dites de phase 3, c'est les études les plus avancées, randomisées, etc. 50 études qui ont été effectuées dans le domaine de la DMLA sèche et qui ont toutes, sans exception, échoué. Pour différentes raisons, mais je pense que les avancées que l'on fait dans le domaine de la compréhension de la maladie, qui sont maintenant à l'opposé d'il y a une vingtaine d'années où il y avait très peu de recherches fondamentales sur la DMLA actuellement, il y a un double effet non seulement des découvertes génétiques, mais également de l'efficacité des traitements dans la forme humide, ce qui fait que ça a motivé énormément de chercheurs et de laboratoires à s'investir dans le domaine de la DMLA sèche, mais malheureusement pour l'instant effectivement, nous n'avons pas encore le traitement que l'on peut conseiller actuellement à tous nos patients. Francine Béard-Cohen. Oui, je voudrais ajouter, c'est tout à fait juste, mais je crois qu'une des difficultés, c'est pas qu'il n'y a pas de possibilités thérapeutiques, comme l'a dit Florian, comme on pourrait utiliser même des anti-inflammatoires finalement. La grosse difficulté, c'est comment mener ces études. Parce que c'est une maladie qui va... Les maladies DMLA humides, on peut évaluer le traitement en quelques mois. Voilà. Tandis que sur la DMLA sèche, il faudrait suivre des patients sur des années et des années et des années. Et aujourd'hui, les agences réglementaires considèrent que le seul paramètre sur lequel on va apporter la preuve que ça marche, et on va donc valider la mise sur le marché, c'est la vision. Or, pour voir cette évolution, il faut des années. Mais maintenant, il y a une grande révolution, je dirais, conceptuelle, c'est que les agences réglementaires acceptent que ce ne soit pas uniquement la vision, mais des paramètres d'imagerie. Simplement, on va regarder si le patient a plus d'atrophie ou moins d'atrophie, qui permettra de valider un médicament et d'autoriser sa mise sur le marché. Et je crois que ça va être, c'est un élément extrêmement important et déterminant dans la possibilité de développer des nouveaux médicaments. Et on peut voir, je précise et je parle sous votre contrôle, on peut voir effectivement l'efficacité d'une thérapie sur la DMLA humide parce qu'on voit s'il y a une poursuite ou non de la vascularisation et que ça peut être estimé très rapidement d'une diminution, oui, bien sûr. C'est l'OCT en fait, c'est pas les vaisseaux, c'est on voit un élément indirect. Quand on a des vaisseaux anormaux, ils entraînent un œdème. Il y a du liquide dans la rétine. Et la tomographie à cohérence optique va permettre de mesurer en microns l'épaisseur de la rétine et on va donc pouvoir quantifier l'effet d'un médicament. C'est la raison pour laquelle ces traitements se sont ainsi développés et ont pris une place si importante. On pouvait, dans un laps de temps raisonnable, développer un médicament. Alors parlons peut-être aussi un peu, parce que aujourd'hui, est-ce qu'il faut le redire un mot, parce que ces techniques-là aussi, Michel Pack, Francine Bercohen, sont en train de se préciser, ou en tout cas je le disais, pour la DMLA humide, on parle d'injection intravitréenne d'un composé qu'on appelle l'anti-VGEF. Avant on utilisait le laser, cette technique-là s'est répandue depuis 2006, aujourd'hui cette technique-là elle est efficace, elle fonctionne très bien. Qu'est-ce qu'on peut en dire, Francine Bercohen ? Alors, on peut dire que ça a été la révolution. C'était une révolution thérapeutique. On a connu l'ère d'avant, les anti-VEGF, où on ne pouvait que regarder les patients, malheureusement, perdre totalement leur vision. Et puis l'après-anti-VEGF, où en quelques semaines, le patient ressent une amélioration. Quelques jours après l'injection, il vous dit « je vois mieux ». Alors, il faut un tout petit peu bémoliser, je dirais, ces résultats. C'est vrai que ça fonctionne. J'aime beaucoup le mot bémoliser. Je trouve ça d'un très joli néologisme. Voilà. On va bémoliser le résultat. Mais on a quand même, sur les grandes études prospectives, montre que sur les patients qui ont une dégénérescence maculaire humide, à un an, malgré un traitement bien conduit, 50% gardent une DMLA qui est encore active. Ce qui impose de maintenir les injections pratiquement à vie avec des périodes d'interruption, mais globalement quand on rentre dans un circuit de traitement, et c'est ça qu'il faut expliquer aux patients. Il y a un traitement, mais vous êtes là avec nous et on va être des partenaires pour lutter contre la maladie jusqu'à la fin de la vie quasiment. Il ne faut pas croire que c'est un traitement qui est curatif. Et en revanche, on va pas repréciser le mécanisme de cet anti-VEGF parce que j'aimerais qu'on parle un peu des pistes de recherche, mais on peut dire peut-être, Michel Pack, qu'il y a des améliorations dans ce traitement qui fait qu'on pourrait substituer aux injections des implants intraoculaires qui permettraient une délivrance en continu, qui serait peut-être plus efficace que les injections régulières, comme vient de les décrire Francine Bercohen. Oui, ça fait une dizaine d'années que sont apparus sur le marché les anti-VEGF. Il y en a deux actuellement en fait, sur le marché qui ont l'AMM sur la DMLA. L'autorisation de mise sur le marché de l'agence du marché. Les injections doivent être faites mensuellement, quel que soit le produit utilisé. Et se pose évidemment la question de la lourdeur du traitement pour les patients qui doivent tous les mois, sans faute, se recevoir une injection. Dans certains cas, on peut décaler les injections, mais c'est toujours sous contrôle médical. Bref, les visites restent très fréquentes, les injections également. Et donc, c'est posé la question, bien sûr, du relargage prolongé de ce médicament. Donc, ce sont des protéines qu'on pourrait, par exemple, produire par génie génétique, par thérapie génique. Et donc, il y a eu des tentatives de thérapie génique destinées à faire produire par la rétine elle-même les anti-VEGF. Malheureusement, encore, ça a été un échec, donc on en est resté aux injections. Il n'y a pour l'instant aucun autre outil prévu, à ma connaissance en tout cas, qui va permettre de se libérer de cette injection mensuelle. Francine Bercohen n'a pas l'air tout à fait d'accord. Alors, effectivement, la thérapie génique par vecteur viral, quand on utilise des virus qu'on doit aller injecter sous la rétine pour mettre un anti-VEGF, c'est assez agressif et c'est difficile d'imaginer qu'on va traiter des millions d'individus avec cette stratégie. Mais avec les stratégies non virales, et comme je l'ai dit, nous avons développé un dispositif tout simple, qui est jetable. C'est la société I26 qui maintenant développe ce produit, qui permet de produire l'anti-VEGF dans l'œil pour une durée d'un an. Et donc, qui est en essai clinique actuellement. Donc, peut-être qu'on arrivera quand même à éviter de réinfecter les patients. D'accord. Alors, ça, c'est. J'aimerais qu'on en vienne, qu'on boucle la boucle et qu'on revienne au début de cette émission et à ces deux publications. La première, donc, sur la DMLA humide, hein, une étude qui a été publiée dans Nature Biotechnology et qui, selon cette étude, alors, on est sur un panel extrêmement resserré, puisqu'on parle de deux patients, l'un âgé de 60, l'autre âgé de 80 ans, mais avec manifestement un recouvrement de la vue assez spectaculaire. Que pensez-vous, l'un et l'autre, Francine Bercohen, pour commencer, de cette étude? Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a quelques années, j'ai plus exactement la date, mais on avait eu exactement le même effet d'annonce. C'était un Lancet, et il y a eu l'injection de cellules souches sous la rétine de quelques patients. Lancet, c'est la revue britannique, la grande revue de référence biomédicale. Oui. Et bon, malheureusement, avec le temps, la vision n'a pas persisté. Et il faut un peu se méfier des effets d'annonce. Je dirais que, par contre, cette publication-là a quelque chose d'un peu différent. C'est que c'est l'aboutissement d'années et d'années de recherche d'une équipe anglaise extrêmement solide, qui non seulement a réussi à fabriquer des cellules de l'épithélium pigmentaire à partir des cellules souches, mais a réussi à les incorporer dans un implant, de sorte que ces cellules soient maintenues dans leur bonne orientation et bien organisées. Et je crois que c'est peut-être quelque chose qu'il faut suivre, parce que ça apporte très clairement, sur le plan conceptuel, hein, une stratégie beaucoup plus solide que juste l'injection d'une suspension cellulaire sous la rétine. Là, vous pouvez nous expliquer en deux mots peut-être, parce que là, en fait, ces cellules souches embryonnaires, elles sont placées sur un patch qui lui-même est introduit derrière la rétine, c'est ça? Voilà, alors ce sont des cellules qui sont quand même devenues des cellules de l'épithélium pigmentaire, mais qui ont été cultivées. Voilà, elles ont été respécialisées et elles ont été incorporées dans un implant qui permet qu'elles soient mises dans une géométrie, une organisation qui est très proche de la physiologie et non pas juste injectées en suspension en se demandant ce qu'elles vont bien pouvoir devenir. Michel Pack, sur cette étude. Je ferai aussi le même rappel historique que Francine Bercohen a effectué. Donc, encore une fois, le meilleur juge, c'est le temps, en fait, de toutes ces thérapies. Et les essais qui portent sur quelques patients sont à la limite de l'anecdote pour l'instant, même avec une vision très améliorée. Je reporterai juste pour. Comme indication, c'est que en faisant une rééducation basse vision aux patients porteurs de maladies sévères de l'œil, dont la DMLA, on peut parfois obtenir simplement par la stimulation et une espèce de kinésithérapie visuelle des résultats visuels aussi extrêmement intéressants. Donc, les patients inclus dans des études ont aussi un biais de stimulation. Ils sont très stimulés pour obtenir des résultats visuels. Donc, je ne dis pas que c'est ça qui explique les résultats visuels dans ce cas très précis, mais il faut tenir compte de ce facteur pour évaluer les résultats visuels. Les deux patients, en l'occurrence, dans l'étude de mémoire, je parle sous votre contrôle, ont été suivis pendant 12 mois avant la publication. Donc il y a un an de recul, ce qui est effectivement pas une distance immense. L'autre étude porte là, alors c'est intéressant parce qu'il est aussi question de cellules souches, mais cette fois-ci pour traiter la DMLA sèche. C'est une étude qui a été publiée par l'Université de Caroline du Sud dans Science Translational Medicine. Et là, on parle d'implants rétiniens pour 4 patients. Francine Bercohen, un mot peut-être là-dessus? C'est à peu près les mêmes stratégies. Hein. La difficulté qu'on a exactement. Ce que disait Michel est assez intéressant. Quand on fait des études chez l'animal et qu'on va simplement injecter de l'eau, on arrive à récupérer, à avoir une amélioration sur des modèles de dégénérescence rétinienne sur plusieurs mois. Donc la grande difficulté, c'est de savoir exactement quelle est la part réellement de la cellule souche et du geste thérapeutique lui-même, qui va bien sûr entraîner une petite réaction inflammatoire, la libération de facteurs trophiques, et ça c'est aussi un sujet qu'on n'a pas abordé, mais qui est aussi une voie très très prometteuse. Donc moi, je voudrais vraiment préciser que pour nous tous, c'est fantastique que ça avance et on est content qu'il y ait de la recherche, mais qu'il faut être extrêmement prudent. Et il ne faut pas donner maintenant de faux espoirs à tous les patients. Il ne faut pas croire qu'on va résoudre tout le problème avec simplement l'injection de cellules. Michel Pack. Oui, et j'insiste encore une fois sur le fait que pour la DMLA sèche, je pense que soutenir psychologiquement les patients, la rééducation basse vision, sont des restent des éléments essentiels. Cette maladie est extrêmement a un impact psychologique très fort, en particulier maintenant la DMLA sèche, parce que les patients se sentent abandonnés sur le plan thérapeutique. Et donc ça aussi c'est un aspect dont il faudra tenir compte à l'avenir, quel que soit le résultat de ces essais prometteurs. On a parlé là de ces deux essais parce que ce sont des études très récentes, hein, l'une qui date de fin mars, l'autre de début avril. Il y a d'autres pistes thérapeutiques qui sont exploitées, notamment des pistes technologiques via pour le coup des implants avec des micropuces photovoltaïques qui seraient implantées sous la rétine. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces, oui, de ces tentatives stricto sensu technologiques, d'œil bionique en quelque sorte, oui, Francine Bercohen? C'est aussi une des voies de recherche qui est très active. Il y a plusieurs entreprises qui ont été montées pour développer ces implants. Il y a plusieurs possibilités. Soit on met l'implant sous la rétine, soit on le met à la surface de la rétine. Et pour le moment, il y a des essais qui sont faits sur des patients qui ont totalement perdu la vision, qui ont plutôt des dystrophies rétiniennes héréditaires. Et c'est vrai qu'on a bien réussi à faire ces implants cochléaires. Donc c'est une question maintenant technologique. Sur le plan du concept, ça doit marcher. Les implants cochléaires, rappelons-le, hein, ce sont des implants qui sont fixés, que vous avez peut-être vu chez les personnes qui sont malentendantes, et qui permettent de récupérer en stimulant le nerf auditif une partie de... C'est bien ça dont vous évoquiez. Hein, et dont on sait que maintenant on peut... Ces implants-là, en fait, ce sont des implants qui stimulent directement le nerf optique. Et qui se comportent en fait comme des photorécepteurs. Oui, c'est ça. Qui stimule soit les photorécepteurs résiduels, soit les cellules ganglionnaires. Et les implants actuellement, ceux qui ont été posés dans la plus grande fréquence, c'est les implants posés sous la rétine, donc qui stimulent les cellules ganglionnaires. Mais par rapport aux implants cochléaires, on franchit plusieurs sortes de grandeurs de complexité, parce que vous avez un signal qui ne peut pas être reconstitué de façon linéaire comme le son. Il y a des multiples aspects, le mouvement, le relief, la couleur, bien sûr. Donc le signal obtenu par un implant de type, on va dire, classique, c'est-à-dire les implants posés sous la rétine, ont forcément leurs limitations et se limitent à une vision en noir et blanc déjà, et avec une qualité qui oblige à une, là encore, je parle encore de la rééducation, une rééducation très poussée afin d'obtenir une information utile pour le patient. Maintenant, de nouvelles générations sont à l'étude, en particulier des implants qu'on pose sous la rétine, qui vont stimuler d'autres cellules. Alors, j'ai parlé des cellules des photorécepteurs résiduels, c'est pas exactement ça, c'est plutôt les autres cellules, cellules bipolaires et cellules ganglionnaires, qui devraient théoriquement permettre de conserver une partie du traitement du signal par la rétine et donc potentiellement avoir une image un peu plus naturelle. Mais on attend encore les résultats cliniques pour se prononcer. Et je vais renvoyer nos auditeurs qui nous écoutent, qui veulent en savoir plus, hein, sur ces implants, à l'émission que nous y avions consacrée à l'interface cerveau-machine. On avait passé une heure à décrire toute la diversité des implants et des choses qui sont possibles aujourd'hui et qui ont été attestées en recherche fondamentale ou en recherche clinique. Peut-être un mot pour conclure autour de la DMLA. Alors pas un mot tant pour encourager les gens qui nous écoutent à faire un dépistage précoce, mais aujourd'hui vous avez le sentiment que compte tenu de la quantité de publications, compte tenu de l'effort de recherche qui est déployé, sans donner évidemment d'espoir démesuré, parce que toutes ces thérapies-là sont, on l'aura bien compris, des thérapies qui fonctionnent sur des technologies de pointe, qui sont des thérapies qui coûtent encore très cher, qui ne sont pas passées au niveau industriel, loin s'en faut, mais néanmoins on voit qu'il y a un effort de recherche très très net qui est lié certainement aussi aux enjeux du vieillissement de la population et de la quantité de patients qui peuvent être concernés par ces traitements. Vous avez l'impression que les choses bougent plus vite aujourd'hui qu'elles ne bougeaient naguère? Oui, très clairement, on assiste, et c'est assez fantastique pour nous qui sommes dans ce domaine, à vraiment des révolutions successives et très nombreux, et même pour le patient, on a vécu ça et on espère qu'on le vivra pour la DMLA sèche aussi. On n'a pas parlé aussi tout simplement des avancées technologiques sur les aides optiques, sur l'adaptation de l'environnement aux personnes malvoyantes, et je crois que ça c'est aussi un élément extrêmement important. Il y a mal voir, il y a aussi pouvoir continuer à vivre avec cette malvoyance, et ça fait partie des éléments qui sont très importants et des efforts qui sont faits aujourd'hui pour permettre à ces personnes de vivre au mieux leur handicap. Merci beaucoup Francine Bercohen, merci Michel Pack d'être venu nous parler de la DMLA tout au long de cette heure. Vous pouvez retrouver évidemment toute cette émission ainsi que tous les liens, certains schémas, certaines émissions passées auxquelles je faisais référence sur notre fil Twitter @laméthodefc. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Céline Lozen, Antoine Beauchamp, Eve Etienne, Sarah Higemans, Noémie Naguette, Saint-Vulfranc, Elisabeth Miro à la réalisation, Bruno Gagnère-Fontani et à la technique. Dans un instant, bien comme Comme chaque lundi, c'est la nouvelle série documentaire de la semaine. Et bien, comme cette semaine est aussi une semaine spéciale, puisque c'est une semaine qui est largement consacrée à mai 68, à l'héritage de mai 68 et à ce que mai 68 a changé dans notre société, et bien c'est une série documentaire consacrée à la radicalisation des milieux d'extrême gauche après mai 68, signée par Christiane Le Polothèque et Christine Robert. C'est dans un instant. Et puis tout à l'heure, à 18h20, c'est Émilie Chaudet qui assurera du grain à moudre tout au long de la semaine, avec pour commencer cette semaine, la France a-t-elle vocation à être le gendarme du monde? Pour ce qui nous concerne, demain, nous parlerons du nouvel or noir qui constitue les terres rares. Ce sera demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.